بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، طيب عندك يا محمد بارك الله فيك، ما هي شروط الفعل التعجب؟ يكون فعل ثلاثي مثبتا متصرف طيب، ان يكون فعل الثلاثي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وايضا مثبت. ما معنى مثبت؟ العكس. سيكون منفي. سي الانفيرس سيكون منفي. طيب فهم اللي هو. وايضا مفيد. لا عندك متصرف. ما معنى متصرف؟ ماضي مضارع. يعني انا ان فيرب كي با متصرف كما كو ليس. احسنت. تسابل كومو ليس فعل جامد. طيب اذا قلنا فعل الثلاثي مثبت متصرف، وايضا نعم افعل ثلاثي. طيب وايضا احسنت. وايضا ان يكون تام. ما معنى تام؟ ناقص. اي نعم، ولكن ما معنى تام؟ طيب مفعول ودان خبر سيدير يكتفي. لو ميو سيدير سو مرفوع لو يسفي. طيب ان شاء الله هذا. بارك الله فيك. طيب كيف سيدير تعجب يا عثمان؟ الإكلاماسيون. طيب وصيغة التعجب كيف تكون؟ ان اكزامبل صيغة الصيغة صيغة لا فورم الي كومون نو جو الوغ جو دي دو مو ان اكزامبل. هذا سي سا الصيغة، سي با جوست لو فيرب تخوا لتر. سي جي دابا سي تعجب ذا هي تخوا لتر. طيب الوغ اون ديغا كوا ما اتولى الرجل. طيب الما هنا سي كوا نافية سي كوا ما تعجب. تعجب احسنت بارك الله فيك. ما اجمل باغ اكزومبل عندك عبد الكريم سي تو دي ما احسن اللبنة. اعرف هذه الجملة. ما أحسن هذه ما أحسن اللبن. تسأل إعرابة. سي قام زيدون يدون المفعول به. قام زيدون. قام زيدون خويا لا يفهم زيك شتي دي سي با فورسيمون تي كومونس بار لو فيرب سي بلو فاسيل سورتو بور ان ديبيتون. فعل فاعل كوم سا ثم مبتدا خبر. طيب ما مبتدا احسن فعل ماذا مضارع امر ماضي ياك سا تعجب. وي ابخي اللبن مفعول به. يا با تفاعل اون ا دوني ريغ امبورطانت اون ا دي تو فيرب لي فو ان سوجي اي تو مبتدا لي فو ان خبر اي تا سيتي ان فيرب اي تا با سيتي دو سوجي. اي لي تري بون نديرو عندك سيني مولولي. الله يهديك. عندك يا سامي الله يحفظك. نعم. اين الفاعل؟ اين الفاعل سيما؟ لا سيمو دي مستطير. تري بيان. ولكن التقدير؟ نعم. التقدير سوز انتوندو كوا؟ سوز انتوندو هو احسن بارك الله فيك. ما احسن لبن. طيب

جمع مؤنث سالم بضمة السلام طيب مرفوع بضمة ومنصوب بماذا بالكسرة on trouve une nouvelle exception alors que le منصوب normalement c'est avec quoi سامي على مد فتحة c'est العصب بالفتحة نعم عصب بالفتحة هذا فهنا بارك الله فيكم جمع مؤنث سالم يكون منصوب بماذا بالكسرة c'est compris ça inchallah ويكون مجرور بماذا بالكسرة ça veut dire que le جمع مؤنث سالم il est sorti quoi de l'exception à quel niveau dans le منصوب et ça vous l'apprenez par cœur c'est que dans le جمع مؤنث سالم la كسرة au niveau du منصوب c'est-à-dire si tu l'apprends par cœur tu ne te feras pas avoir dans les autres choses c'est compris je répète avec un temps plus facile la كسرة n'apparaît في حال النصب que dans جمع مؤنث سالم vous avez compris la, ce que je viens de dire là est-ce qu'on peut trouver par exemple un autre pluriel منصوب avec une كسرة Ben ouais, si c'est à moi ça, j'ai demandé si un autre. Demandé, je parle à deux fois, un fois, Allah. Allah aidé, Allah. D'ici c'est un jour, moi, le salam. Taïm. Andek, Abdallah. On peut trouver la kasra autre que le jour, moi, le salam quand il est mansoub Hein Non. Tout le salam. Taïm. On commence alors. Moi, je vous donne un exemple, marfou. Taïb, tu diras Ja'at al-Muslimatu. Écrivez ça, Inch'Allah. Parce que c'est dommage, l'auteur du livre, il a mis directement du mansoub. Taïb, Ja'at al-Muslimatu. Tout le monde y est là, c'est bon ? Hein ? Là, il est marfoua, pourquoi ? Jam, hein ? Ja'at, c'est quoi, Ja'at ? Vas-y, Inch'Allah. Elle est venue. Elle, tu viens de me dire que c'est un pluriel. Tu m'as dit que c'est pas elle. Non, elles sont venues. Ja'at, maman a Ja'at. Ouais, ça y est par rapport là, Ja'at, c'est un verbe. C'est ça que je veux, les frères. Faut que je vous dise tout, sinon c'est impossible que je sorte quelque chose. Ouais, moi je vais vous. Là, le cervelle, la bosse. Allah ybarik fikoum, Allah. Taïb, moi je t'ai demandé pourquoi il est marfoua. Tu me dis il est diam. C'est ça le problème. Pourquoi il est marfoua? Il est fa'al. هذا مفهوم الفاعل إلي كوا مرفوع طيب إن شاء الله إجاءت يمدي كوا إلي فعل طيب هذا هو فعل جاءت التاء هنا تاء تأنيث سيجير كوا تاء تأنيث سيجير كوا المو كي viendra après ça demande كوا un sujet féminin طيب إن شاء الله جاءت المسلمات مفهوم أو si vous voulez un autre exemple مرفوع Pour dire Ma'amou An-Nasalim, Al-Muslimatu, on dira quoi par exemple hein? Donnez-nous un khabar. On dira quoi Comment on dit Tiens, Othman, assoiffé. Il se souvient. Aïtachon. Naam, taïb. Il n'y a pas de mal. Alors là, il est marfou, pourquoi Al-Muslimat, et on lui a donné après. Il est Mubtada. Al-Muslimat. Marfou parce qu'il est Mubtada. Mais faut, Inch'Allah, c'est-à-dire là, on a donné un exemple Fa'al et un exemple Mubtada. Taïb, Inch'Allah. Maintenant, on prend un exemple. Quand il est Mansoub, tu dis quoi Ra'aytu Al-Muslimati. Mais faut, Ra'aytu. Al-Muslimati. Alors qu'on avait appris quoi Alamat al-Nasb, normalement c'est quoi, Othman Al-Fatha. Ra'itu al-Muslimata. Hada khata. A partir de maintenant, si c'est un jam' Mouanad Salim, Ra'itu al-Muslimati.